Yeah, man, Shin's Lazofi, de was management. Yeah, man, Shin's La Blenson. An idea, sir, Duke. Yeah, man, 2000 os givi tout, tout in mwen jape ye tout, tout in mwen jape ye tout, tout in mwen jape ye. Man, an pe pa chile, man, an pe pa chile, man, an pe pa chile, yon ten la ches an ka chile. 2000 os givi tout, tout in mwen jape ye tout, tout in mwen jape ye tout, tout in mwen jape ye. Man, an pe pa chile, an pe pa chile, an pe pa chile, yon ten la ches an ka chile. Pa wo la vin restre, oblige fe yo we pou yo kwe, bad boy bizyon respe, man la jek a kache la peve. Pas j'ai frappé, non mais moi des fois c'est sola. Donc en cas entraîner les futurs gangsta d'isola. Nos chata boys pas vin test crevé au point avantissement. Sous bad vin disrespect, maman qui coule les larmes, les nous fin coule sang. On a fait mes gel là ouais quand celle doit être confortable coule sang. On pas dû aller donc on y flex corps pour l'instant. Des corps que si on vin, on peut Kevin pour rien, t'y bouc discret. A part les beats, c'est qu'à brûler gel moi. Femme, zé moi, qu'à fixer ciel là. On m'a des pistes adverses pendant maman prier pour que ça freine. 2011 give it to tout in mwen jape ye tout, tout in mwen jape ye tout, tout in mwen jape ye. Man, an pe pa chile, man, an pe pa chile, man, an pe pa chile, yon ten la ches an ka chile. 2011 give it tout, tout in mwen jape ye tout, tout in mwen jape ye tout, tout in mwen jape ye. An pe pa chile, an pe pa chile, an pe pa chile, yon ten la ches an ka chile. An ke inspire kon mwen dile mwa, e well yo se vi mwen peze le mwa kon love, pa ni love, tou van la jan pa ni sentiment. An love trip soudien égoïste sans point qu'on compliment. Hustle, I'm hustle, moi je chiffre quand tu manges. Totine moi j'ai payé donc faut t'en faire l'argent. Pli piti qui ou pète garçon mais en cas fait la joue. Faut t'en faire face à tout pour domre pas ni trop. Dis-moi en qui nègre ou penny. Confiance je dis joue attends l'ennui non moins car rassurer moi en papé a yon mal pour bien. Si ni l'ombrage ça veut dire que tu ni en lumière yo pèse à yo pas connaître. Yo pas reconnaître moi. J'ai le fun mais pas ni pour l'or ma si pour mettre moi. 2011 rivé tout, totine moi j'ai payé tout, tout in moi j'ai payé tout, tout in moi j'ai payé. Man, on peut pas chiller, man, on peut pas chiller, man, on peut pas chiller, y'en tient la jazz en cas chiller. 2011 givé tout, tout in moi j'ai payé tout, tout in moi j'ai payé tout, tout in moi j'ai payé. Man, on peut pas chiller, aïe, on peut pas chiller, aïe, on peut pas chiller, y'en tient la jazz en cas chiller. Je les entends parler, je souris là, ils ne comprennent pas. Bad boy voit, bad boy ne parle pas. Quand le moment viendra, bad boy agira. Et là si sera trop tard quand tu le verras man. L'homme peste y pas connaître, yo pas reconnaître moi. J'ai le moins fun, pas ni pour l'homme, si pour mettre moi. En papé a yen l'homme, on s'est le bit un bon jet pour mettre moi. Y obligé qu'il y a un fly qu'on commette loin. Y'a man a de was management. Who of them a bunton? My name is Shins La Blenson. Physics is La Bunson. Ça sort de gâchette bunton. Bad boy voit, bad boy ne parle pas. Oui.